Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez Web Musique. On vient tout juste d'entendre la pièce Del Tinu. C'était précédé par la pièce Track. Donc, ces deux pièces par l'artiste de la ville de Londres, Adio, c'était tiré de son album Del Tinu. C'est un EP. On va poursuivre avec cette fois-ci de la Bulgarie Two Bone Giants. Je vous fais entendre deux pièces. On va entendre The Sight of Things to Come, mais tout d'abord, on va entendre The Andromeda Strain. Donc, ça, c'est deux pièces qui sont tirées de son album The Lost Art of Speaking Your Mind. Un album vraiment excellent. Je vous invite à le télécharger. Donc, ben, c'est ça. On écoute Two Bone Giants à Web Music. pièce très planante de Two Bone Giants, c'était The Sight of Things to Come. C'était précédé par la pièce The Andromeda Strain. Donc, ces deux pièces tirées de leur album The Lost Art of Speaking Your Mind, c'était publié sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom, une étiquette qui nous vient de la Bulgarie. On va poursuivre avec un artiste du nom de Yarkoui. Je vous fais entendre sa pièce Abstract Things. C'est publié sur l'étiquette Fresh Pulp Records, un excellent net label français. C'est tiré de la compilation Octopus Two, une excellente compilation. Si vous voulez télécharger les pièces entendues à l'émission, vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. Vous allez avoir la playlist et les liens pour télécharger les pièces. Donc, ben c'est ça. On écoute tout de suite Yarkoui avec sa pièce Abstract Things. I'm

Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89,1. Vous êtes à l'émission Web Musique. On entendait tout juste Kiryucha avec sa pièce Inconséquence. C'était publié sur l'étiquette Valisa Tools, une étiquette qui nous vient de la France. On poursuit cette fois-ci avec un artiste du Brésil du nom de Retrigger. Je vais vous faire passer deux pièces tirées de son album Genie and Caroline. Tout d'abord, on va entendre You Will Die. Ça va être suivi par Ghetto Blasta 64. Vous allez voir deux pièces excellentes. Donc, c'est ça. On écoute Retrigger tout de suite. In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed. And you will die. Very dangerous to you because he flies faster than you do and shoots at you. We'll be right back. du Brésil. Donc, c'était Retrigger avec sa pièce Ghetto Blaster 64. C'était précédé par la pièce You Will Die. Donc, deux pièces tirées de son album Jeannie and Caroline. C'était publié sur l'étiquette brésilienne Psychotropico Delia. On va vous faire entendre cette fois-ci, publié sur l'étiquette Dead Pop Net Label, une étiquette anglaise. C'est un artiste français du nom de Silencid. Je vous fais entendre sa pièce « Ma bonne vieille guitare ». Madame, ça ne vous ennuie pas que je joue un peu de ma bonne vieille guitare? Non, allez-y. Désolé. C'était la pièce « Ma bonne vieille guitare » par Silencid, un artiste français publié sur l'étiquette Deed Pop Netlabel. Ça va déjà être tout pour Web Music. S'il y avait des pièces que vous avez appréciées, que vous voulez télécharger, vous avez juste à vous rendre sur le site de l'émission. C'est au www.webmusic.ca. Vous allez retrouver la playlist et tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces. On va se quitter sur deux pièces, puis tout de suite après, ça va être l'émission La Croche-Oreille par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante. Donc, je vais vous laisser entre leurs mains expertes. On va se quitter sur deux pièces de Black Daylight, un groupe qui nous vient de Chicago. On va entendre la pièce tout d'abord Daylight 255. Et si un peu de temps, ça va être la pièce Daylight 180. C'est tiré de leur album Black Daylight Live. Donc, on se quitte là-dessus. C'est tout pour Web Music. Je vous invite la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Music. Bonne soirée.